Le Seigneur vous bénisse. Bwana imibariki. Sans tarder, levons-nous pour. Bila kukawia, tutashimama njua usomi wa neno. Taomba shibote. Mwenyezi Mungu, Mungu mkubwa, umbaji wa mbingu na dunia. Wakati ya mangaribi tunakupikia asante. Juu wakati milango iwezi kufunguliwa, uwezi kuongoza mikulu ya watoto yako kukuya pali hapa, juu kuwezi ambao kuachia miziko yao. Ilianjikwa kusema, yote tutakuomba katika imani, ndani ya maombi katika jina la Yesu Kristo. Tuamini ya kusema, tunesha kuipokea, na tutiona kutimilika ndani ya maisha yetu. Mujina la Yesu Kristo, jibu kwa kila ombi iliwezi kufanyika pale hapa. Juu watoto yako wapate kubariki jina lako na wapate ambao kufurahiwa na ile mabaraka yote ambayo uwezi kutununia ukaja msalaba. Wagonjwa ubatunze, kila mambo ambayo ilikuwa expose kwako ipate kuwa na jibu. Leta salama umaroo ya banduku na wadada. Juu safari ya imani ipatikwa katika upole. Leta Roho Mtakatifu. Juu bila Roho Mtakatifu akutakuwa mtu atanyanyuliwa. Leta maisha utakaso e Bwana. Na ulete boka katikati ya mioyo yetu. Ipate kutongoza kutifu ya neno lako. na ile siku ambayo wewe Mungu utaonekana. Seigneur, asante kwa mtumishi wako uweze kunenea kwa kuweza mba kuonya taifa yako. Anachoka upata mba kumkakamisha. Tunakuwa mwiki kipande ya pili kwe pamoja nasi. Uweke kwa sauti ya neema chini ya ulimi yetu. Na wakati peple yako itaelewa, itakuwa jua tukufia jina lako. Bariki kila nduku na kila dada. Bariki kanisa yote mzima. Katika jina la Yesu Kristo niko na kuomba hivi. Amen. Dans premier roi au chapitre 12. Wafalme wa kwanza sura yake ya 10. Nous commençons au verset 25. Musara makumi mbiri na tano. Jusqu'au verset 27. Mpaka makumi mbiri na saba. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Ephraïm. Jéroboam akapika Sichem yule ya mulima ya Ephraïm. Et il demeura, puis il en sortit et bâtit Peniel. Naka ikala pale kisha akatoka pale akapika Penieli. Jéroboam dit en son cœur. Jéroboam akasema mumoyo wake. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Ufalme inezi kurudia sasa kunyumba ya Daudi. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, kama hii taifa inenda ku Yerusalemu njoo kutolea masadaka munyumba ya wamileli, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Moyo wa hii taifa itarudia kwa bwana wake, kwa Roboam, mfalme wa Yuda. Et ils me tueront. Na batanyua. Et retourneront à Roboam, roi de Juda. Na batarudia kwa Roboam, mfalme wa Yuda. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana abariki usomi wa neno lake. Depuis hier, nous sommes en train d'exploiter les erreurs de Jéroboam, roi d'Israël. Makosa ya Jéroboam, mfalme wa Israël. Salomon avait abandonné l'Éternel. Salomon ariachaka wa milele. Et Dieu avait résolu dans son cœur de prendre la royauté et de la donner à quelqu'un d'autre. Na Mungu alibebaka mupango mumoyo wake ya kunyang'anya ufalme na kukaburia hiyo mtu mwingine. Dieu avait résolu Mungu alibebaka mpango son royaume ya kukabula ufalme wake. Comme il l'avait annoncé. Vile aritangazaka à Jéroboam lorsqu'il était encore serviteur de Salomon. Kwa Jéroboam wakati alikuwa mtumishi wa Salomo. Après la mort de Salomon. Kisha kufa kwa Salomo. Roboam son fils régna à sa place. Roboam mwana wake akatawala pafashi yake. Ce dernier commit une grosse erreur. Na ye akafanya kosa munene. Parce qu'il ne voulait pas écouter la demande du peuple. Ju ashikupende kusikiliza ombi ya taifa. La Bible dit que cela était dirigé par l'Éternel. Biblia inasema kusema ni wa milele njo aliongoza ile. Pour l'accomplissement de la prophétie du prophète qui était venu de Silo. Ju ya utimilifu wa unabile litokeaka kwa nabii wa Silo. Après l'erreur de Roboam, le royaume fut divisé comme nous l'avons montré hier en deux. Kisha Roboam kufanya kosa ufalme kagawanyika mu vipande mbili. Jéroboam, le serviteur de Salomon, régna sur 10 tribus. Jéroboam, mfalme wa Salomon, akatawala yule wa makabila kumi. Comme l'Éternel l'avait déjà signalé, vile wa milele alitangulia kuisema. Et on appela son royaume le royaume d'Israël, et il régna à Samarie. Na ufalme yake ilitiwa ufalme wa Israeli na katawala ku Samaria. La maison de David ne resta qu'avec Roboam. Na nyumba ya Daudi kabakia tu na Roboam. Et il n'y a qu'une seule tribu qui s'attacha à Juda. Na kukakuya tu kabila moya ile riambatana na kabila ya Yuda. Et Roboam resta avec le royaume de Juda, dont la capitale était fixée à Jérusalem. Na Roboam akabakia na ufalme wa Yuda ule mji mkubwa ilikuwa ni Yerusalemu. Nous avons montré hier pour ceux qui n'étaient pas là. Turionesha jana kubali abakuu wako que Jéroboam n'était pas de la famille royale. Ya kusema Jéroboam ashukuye wa mu jamaa ya kifalme. C'est un Ephratien. Yeye ni wa Ephrat. Il vient dans la vallée de Jourdain. Anatokea mubonde ya Yordano. Il était un simple serviteur de Salomon. Alikuwa tu mtumishi wa kawaida wa Salomon. Le père de Jéroboam était le commandant de l'armée. Jéroboam na ba kongoza jeshi bote. Pendant le règne de Salomon. Wakati ya kutawala kwa Salomo. Le péché de Salomon a permis à Jéroboam d'avoir le pouvoir. Zambi ya Salomo ilifanya Jéroboam apate ufalme. Et Dieu voulait humilier la maison de David à cause du péché de Salomon. Na Mungu alipenda kufezeresha nyumba ya Daudi njuu ya dhambi ya Salomo. Ce n'est pas Jéroboam qui est allé chercher la royauté. Aina Jéroboam njuu alienda kutafuta ufalme. Il n'a jamais voulu dans son cœur faire un coup d'état pour être roi en Israël. Ye mumoyo wake ashikuanzake atakuwaza kunyang'anya ufalme njuu akuye mfalme wa Israeli. Il était très très très loin. Arkuya mbali sana na jamaa ya kifalme. Jéroboam n'a jamais prié pour être roi. Jéroboam ashikombake njuu ya kuya mfalme. Mais le Dieu du ciel, lakini Mungu wa mbinguni, a résolu de lui donner 10 tribus d'Israël pour qu'il règne comme roi. Ari beba mpango ya kumukaburia makabila 10 ya Israeli njoo atawale saa mfalme. Mais après qu'il soit investi comme roi sur Israël, lakini kisha ye kuya mfalme yulu ya Israeli, Jéroboam s'est éloigné de Dieu. Jéroboam arienda mbali na Mungu. Il a eu peur d'être abandonné par Israël. Arishki avoka Israël ishimwache. Il a eu peur d'être tué. Arishki avoka ya kuwawa. Et il a eu peur de perdre sa royauté. Na arishkia woga ya kupotesha ufalme wake. Et pourtant ce dernier ne pouvait pas avoir cette pensée en lui. Ile sa huyu mtu ashikupashikwa na mawazo ndani yake. Parce que c'est Dieu qui l'avait placé là comme roi. Ju ni Mungu alimweka pale sa mfalme. Et tout ce que Dieu fait est légal. Na ile yote Mungu yako nafanya ni ya sheria ya kunyoloka. Il ne devait pas s'inquiéter et faire des calculs. Yeye hakupashi kuhangaika na kuanza kuwaza vitakuya je. Il devait s'appuyer sur Dieu en toute chose. Alipashi kutegemea Mungu mumambo yote. Et son royaume serait affermi. Na ufalme wake ilipasha kushikamana. Mais la peur de perdre le royaume. Lakini oga ya kupotesha ufalme. La peur d'être tué. Oga ya kuwawa. La peur d'être abandonné par Israël. Oga ya kuachiliwa na Israeli. Le conduisit à une très grave erreur. Ikamuongoza mkufanya nkosa mkubwa sana. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Na njo ile tuku naona. Nous avons montré hier. Lionesha jana. Que la peur est une très mauvaise chose pour un chrétien. Ya kusema oga ni kintu kibaya sana kwa mkristo. Souvent la peur mala mingi oga vient d'un manque de confiance en soi-même. Iko natokea kukosa kujitumainia we mwenyewe. Quand quelqu'un pense qu'il ne mérite pas ce qu'il a, wakati mtu anawazia kusema ashistahili kile yeko nacho, cela le fait perdre confiance en lui-même. Ile kunafanya anakosa matumaini ndani yake mwenyewe. Et il se croit qu'il est incapable d'accomplir ce qu'il fait. Na eko na wazia kusema ashina na uwezo wa kutimiza kile eko natenda. Et il croit qu'il ne peut pas faire ce qu'il est. Il ne peut pas être ce qu'il est. Na ashi amina kusema anezi kuya kile eko. Le manque de confiance en soi-même kukosa kujitumainia est une grosse erreur dans la vie d'un chrétien. Ni kosa munene sana mu maisha ya mukristo. Cela vous entraînera à la peur. Ile itakuongoza muoga. Et la peur vous entraînera à commettre des péchés. Naoga itakupeleka mukutenda nzambi. Et le péché vous amènera loin de la face de Dieu. Na nzambi itakupeleka mbali na Mungu. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Njo kwa maana tunapasha jitumainia shibenyewe. Nous devons avoir confiance dans ce que nous faisons. Tunapasha kuya na matumaini mwile tu kunafanya. Nous devons avoir confiance dans ce que nous devons être. Tunapasha kuwa na matumaini ya kile tunapasha kuwa. Parce que cela est la volonté de Dieu. Njoo ile ni mapenzi ya Mungu. La peur est souvent basée sur des méditations. Oga ni kalaka kila mara ni kuchengwa yule ya mafikili. Et des réflexions imaginaires. Mafikili moya ya mkichwa tu. Des méditations infondées. Mafikili moya bila msingi. Des réflexions sans raison. Mafikili ya shipo sababu. Une méditation mensongère. Mafikili ya uongo. Où quelqu'un s'arrête ule dans mon esprit. Muntu ananza kuwazia muro yake. Il s'imagine des choses qui ne sont pas. Eko na wazia bintu bile abinako. Et cela l'entraîne. Na ile kuna inamuongoza mkufanya makosa. Jeroboam est entré dans son cœur. Alingia mu moyo wake. Il dit maintenant je suis devenu roi. Anasema mina kuya sasa mfalme. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à David. Ufalme nezi kurudia sasa kwa Daudi. Est-ce que cette pensée était la vérité? Et ile mafikili ilikuwa ni ukweli? Non. Hapana. Est-ce que cette pensée venait de Dieu? Et ile mafikili ilitokea kwa Mungu? Non. Hapana. Dieu lui avait dit ouvertement. Mungu alimoneshaka wazi wazi. Que si toi Jeroboam. Usema kama wewe Jeroboam. Tu restes fidèle. Unabakia mwaminifu. À la loi de l'Éternel. Kusheria ya milele. Si tu restes obéissant, Namona bakia mutifu, moi l'Éternel, mi wa milele, qui t'ai donné la royauté, ulana kupatia ufalme, je te bâtirai une maison en Israël. Minta kujengea nyumba mu Israeli. C'était ça la promesse de Dieu. Ilikuwa njo malako ya Mungu ile. Une promesse claire. Malako ya wazi wazi. Dieu, mentait-il cet homme de Jéroboam? Est-ce que Dieu avait-il menti Jéroboam? Eti Mungu alimudanganyaka Jéroboam? Non. Apana. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Jundani ya Mungu amuna ongo. Au lieu de méditer sur la parole qu'il avait reçue de la part de Dieu, bali ya kufikili yule aneno ya ile alipotia kwa upande wa Mungu, comment il devait s'affermir dans la parole, namna kani alipasha kushikamana muneno, et demeurer fidèle à Dieu, na kubakia mwaminifu kwa Mungu, amasanda l'obéissance, kutembea mutifu au commandement de l'Éternel, mu maamri ya Mungu. Jéroboam a inventé ses propres réflexions. Jéroboam ye alianza mafikili yake mwenyewe. Parce qu'il se sentait indigne. Juu alijiona kusema ashistahili. Comme il ne venait pas de la famille royale. Vile ashikutokee mujamaa ya kifalme. Voyez là où Satan l'a dribblé. Munaona pale Shetani. Effectivement, il ne venait pas de la famille royale. Ni bia kweli ashikutokee mujamaa ya kifalme. Jusque là, il avait raison. Na mpaka na pale alikuwa na sheria. Il était roi selon la volonté de Dieu. Lakini yeye alikuwa ni mfalme kufuatana na mapenzi ya Mungu. C'est le côté que Jéroboam n'avait pas vu. Njo ile ngambo ya Jéroboam ashikoni. Jéroboam pouvait se dire. Jéroboam alipaswa kusema. Rien ne peut m'arriver. Hakuna kitu kinaweza kunifikia. Parce que je suis roi. Ni kumfalme. Selon la parole de l'Éternel. Kufuatana na neno ya wamilele. Et s'arrêter là. Na kushimamia pale. Et tourner l'autre face. Na kwanza kwenda ngambo ingine. Pour affirmer sa royauté. Juu ya kushikamisha ufalme wake. Et voir quelles sont les conditions que Dieu lui-même lui avait posées pour affirmer sa royauté. Na kuona ni nini ile Mungu alimuomba njoo akushikamisha ufalme wake. Si il avait médité sur la manière d'affirmer son royaume, kama il serait dans le vrai. Et il agirait correctement. Kama alifikiri munamna ya kushikamisha ufalme wake, alipashi kuya mubya kweli na alipashi tenda munamna ya sawa. Et son royaume serait affermi et il aurait une maison en Israël. Na ufalme yake alipashi ushikamana, alipashi kuya na nyumba mu Israeli. Mais lui abandonne la parole. Lakini yeye anaacha neno. Il va dans ses propres réflexions. Anenda mu mafikiri yake mwenyewe. Il fait des méditations en dehors de la parole. Anaanza kufikiri inje ya neno la Mungu. Toute méditation mafikili yote qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu ili ayambatane na mapenzi ya Mungu nous conduira toujours à l'erreur, itatuongoza kila mara mukosa, nous conduira toujours au péché, itatuongoza kuzambi, et nous conduira toujours à la mort, na itatuongoza kulufu. C'est vrai. Ni bia kweli. Dans la vie ici, c'est ce que nous voyons. Njoile tunakalaka tunaona tamu maisha hii. Tu peux voir quelqu'un. Unaweza kuona mtu. Il regarde sa sœur. Anaangalia dada yake. Il commence à s'imaginer des histoires. Anaanza tu kufikiri mabintu. Il dit cette sœur ici ne m'aime pas. Anasema huyu dada huyu ashinipendaki. Ou ce frère ici ne m'aime pas. Au huyu nduku ashinipendaki. Et pourtant ces pensées là qui se sont levées en lui. Il est ça, il est mawazo ilamuka ndani yake. Sont loin de la vérité. Iko mbali na ukweli. Ce ne sont même pas des pensées. Aina ta mawazo qui se sont levés dans la sœur ou dans le frère. Ililamuka ndani ya nduku au ndani ya dada. Mais lui continue à croire. Lakini yeye anaendelea kuwazia. Il continue à croire ces fausses pensées. Anaendelea kutumainia ile mawazo yake ya bongo. jusqu'à ce que ses pensées deviennent une réalité. Mupaka pale ile mawazo yake inakuya sasa ni mambo ya vya kweli juu yake. Il commence à éviter le frère ou la sœur. Anaanza kwenda mbali na nduku au na dada. Et il commence à avoir un comportement négatif envers sa sœur ou sa sœur ou son frère. Anaanza sasa kutenda mnamo ya mubaya mbele ya nduku yake au ya dada yake. Il se refroidit. Anakuya wa baridi. Et les relations se refroidissent. Na ile ushirika wao inakuya baridi nayo. Qu'est-ce que c'est? Ni nini ile? Une mauvaise pensée. Ni mawazo tu mubaya. Qui entraînait cette sœur ou ce frère? Il est réanza usukuma huyo ndugu au dada. Sans un fort raisonnement. Mukufikiri mubaya. Sur un frère ou une sœur. Yulu ya ndugu au yulu ya dada. Et cela peut engendrer du trouble. Na ile nezi kuleta mamufuruko. Ne le faites pas. Mushifanye ile. C'est l'œuvre du diable. Ni kazi ya shetani. Si vous voyez la, dans la Bible. Je vois comment on a une Bible. Dans Proverbe, lisons un peu cette écriture avant que je l'évolue. Tusome mumezali mbele ya mi kuendelea. Ne faites pas cette erreur. Mushifanye ile kosa. Ne méditez pas de fausses choses contre votre frère ou contre votre sœur. Apana kuwazia vibaya nduku yako au dada yako. Lorsque une mauvaise pensée s'élève en vous, wakati mawazo mubaya inalamuka ndani yako, ne la recevez pas. Apana kuipokelea. Parce que cette pensée, juu ile mawazo, créera du trouble en vous. Itakuletea muzozo. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ndiyo ndugu mupendwa. Dans Proverbe au chapitre 3. Mu Mezali sura yake ya 3. Dans son verset 29. Mumustari yake ya 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Apana kuwazia vibaya jirani yako wakati yako tu lake msalama kando kando yako. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un l'autre il t'a point fait de mal. Apana kulamusha mabubishi bila sababu na mtu wakati asikukukoseye. Ne commence pas des méditations méchantes. Apana kuanza mafikiri ya mubaya. Contre ta sœur, contre ton frère. Yule nduku yako na dada yako. Lorsqu'il habite tranquillement à côté de toi. Wakati yeye kunaikala na wewe msalama. Ne cherche pas querelle avec ton frère ou ta sœur. Apana kutafuta makokotano na nduku yako au dada yako. Sans motif. Bila tu sababu. L'autre ne t'a pas offensé. Wakati yeye ashukukosei. Vous voyez. Unaona. C'est pourquoi toutes nos réflexions. Njoko amana mafikili yetu yote. Toutes nos méditations. Mafikili yetu yote. Doivent se baser sur la parole. Inapasha kuya yenye kujengwa yulu ya neno. Lorsque vous remarquez. Wakati unaona. Que vous êtes envoûté par une réflexion. Ya kwamba unavutwa na mafikili. Qui n'est pas biblique. Ile aina ya mubiblia. Éloignez-vous le plus tôt possible de cela. Wende mbali sana na ile. Parce que cela vous entraînera à des erreurs et au péché. Juu ile itakuongoza mkufanya makosa na mkutenda dhambi. Oui, la peur. Ndio woga. Entraîne toujours les gens au péché et aux erreurs. Kila mara bantu munzambi na mumakosa. C'est une peur qui est basée des fois sur l'imaginaire. Ni woga tu nekalaka isha ujengwa yule ya mafikini. Tu peux voir, même chez les commerçants. Unaweza kuona hata kufanya biashara. Vous voyez, un commerçant, kubakuzisha bakufanya biashara. Des fois il prospère bien. Sa zingine wakufanya biashara yake inaendelea. À un certain moment, wakati moya, il a peur de tomber en faillite. Anaanza kushikia boka ya kuchomba. Il a peur de perdre son argent. Anashikia oga ya kupoteza fedha yake. Cette peur qui s'élève en lui de perdre l'argent. Il est au gain à la mukandani à kupotesha mali yake au feza. La conduit à des erreurs. Itamuongoza mkufanya makosa. Il commence à investir. Ananza sasa kuweka akiba. Sur des choses incertaines, dans les choses incertaines. Mubintu biashipo kuya na hakikisho. Parce qu'il veut multiplier. Dieu en appelle l'extrême, son bénéfice ou son capital. Kuzidisha sana fedha yake. Il fait des erreurs. Ananza kufanya makosa. Il commet des péchés. Ananza utenda zambi. On ne doit pas faire cela. Atupashi kufanya vile. Quand quelqu'un est sous l'influence d'un mauvais esprit, wakati mtu yuko chini ya uvuto ya mapepo mchafu, il débite des réflexions infondées. Ananza kama fikili ya shipo msingi. Il entraîne à des peurs. Il est comme un sukuma muoga. Il sera certainement déstabilisé dans toute sa vie. Akika maisha yake haitakuwa na msimamo. Alors vous verrez quelqu'un. Utaona mtu. Il abandonne ce qu'il faisait. Anaacha kile alianza kufanya. Qui lui rapportait suffisamment de bénéfices. Il est lianza muletea mafaida ya mingi. Mais une activité sûre. Kazi yenye kuwa na hakikisho. Mais il se lance dans une activité incertaine. Lakini anajingiza tu mkazi moya ya shipo hakikisho. Et là, il perd son argent. Na mule anapoteza mali yake. Et il devient malheureux. Na anakuya wakuteswa waole. Même dans le travail. Ata mkazi. Quand quelqu'un a un emploi. Wakati mtu yuko na kazi. Et qu'il commence à avoir peur de le perdre. Na ananza ushikia oga ya kuipoteza. Il le perdra certainement. Hakika ile kazi ataipoteza. Pourquoi? Juu ya nini? Sa peur. Oga yake. Le conduira à des erreurs. Itamuongoza afanye makosa. Qui le conduiront au licenciement. Ile makosa itafanya wamtoshe kazi. C'est vrai frère. Bya kweli nduku. La peur du châtiment. Oga ya mapizi. Conduit souvent les gens au mensonge. Iko naongoza bantu sana mubongo. Regarde même dans nos maisons. Allez hata ma nyumba yetu. Lorsque un enfant, wakati mtoto, a peur de son parent. Iko na oga ya mzazi wake. Ou a peur de quelqu'un. Awe kuna yashikia oga mtu fulani. Vous verrez cet enfant-là. Utaona ule mtoto. Commencera à débiter des mensonges. Ananza kutunga mabongo. Parce qu'il a peur du châtiment. Juu yeko naogopa bashimwapize. Vous voyez. Naona. On peut lui poser une petite question. Unaweza kumuuliza kaulizo kaloko. Donc il connaît mieux la réponse. Na jibu ya ile ulizo anejua. Deux fois il n'a même pas fait ce qui lui a été demandé. Tazingina chikufanya hata ile unamuuliza. Mais par peur il dit oui. Lakini uoga tu anasema ndiyo. Vous voyez. Naon. Et cela ne se limite même pas aux enfants. Na ile heshimamie tu pa kubatoto. C'est même aux grandes personnes. Ata kubakubwa inekalakako. Il y a des gens par peur. Huku bantu kwa oga tu. Il débute un mensonge. Banatungaka bongo. Je craignais que papa me grondera. Je craignais que maman me châtiera. Je craignais que le pasteur va me réprimander. C'est pourquoi j'avais débuté les mensonges. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. La peur du châtiment peut vous entraîner à des erreurs et aux mensonges. Même la femme dans la maison peut mentir son mari à cause seulement de la peur. Même un mari peut mentir sa femme à cause seulement de la peur, de la complication. Voyez, naona, on peut exploiter beaucoup de pensées. Tunaweza kusemea mama, tunaweza kusemea kwa jamii. Mais pour comprendre ce que je suis en train de dire. Lakini munaelewa mu watu wakuu munaelewa ile ni kunasema. N'a jamais été une bonne chose. Oh gaia kuyaka kitu kiwili. Ça va vous déstabiliser en toute chose. Itakutikisa mu maneno yote. Ça va vous entraîner aux erreurs, aux péchés. irréparable. Itakuingisha makosa na madhambi yasipokutubu. Vous remarquez dans la parole. Ndio maana utaona mneno. Dieu ne travaille jamais avec les poltrons. Mungu ashitumikai na bantu baboka. Dieu travaille toujours avec la foi. Mungu yuko natumika na imani. C'est vrai. Bien quoi. La peur n'est pas dans la foi. Oga, aikalake muimani. Non, bien aimé frère. Apana ndugu mpendwa. Quand une femme a peur de son mari, wakati bibi yako na oga ya bwana yake, cela va l'entraîner au mensonge. Il est à musukuma mubongo. C'est une simple question. Ulizo tu. Le mari peut lui poser une simple question. Ya kawaida bwana yake anamuuliza. Qu'as-tu fait avec l'argent que je t'ai donné pour aller au marché? Ulifanya nini na ile makuta mimi kupatia wende nayo munso? Rien que cette petite question-là. Paka ile tu ulizo kiroko. On est seulement de dire la vérité. Bali ya kusema kweli. Dis, non, si je disais. Anasema kana sema. J'avais payé un soutien. Sema mimi uza mo soutien. Alors mon mari me réprimandera. Bwanangu atanifokea. Et la femme commence à débiter des mensonges. Na, bibi ananza kutunga mabongo. Et ce petit mensonge-là. Na ile ongo kiroko. Va entraîner un autre mensonge. Itaita ongo un troisième mensonge. Na, utongezeka. Un mensonge. Itaita mabongo. Sasa, elle devient une menteuse. Anakuya wa kulanda. Pourquoi tout cela? Juu ya nini ile yote? À cause de la peur. Juu ya oga. Même les enfants dans nos maisons, c'est comme ça. Ni vile vile na batoto yetu manyumba. C'est vrai, frère. Ibya kweri nduku. Même la peur de souffrir. Ata oga ya kuteswa. Peut entraîner quelqu'un dans beaucoup de péchés et dans beaucoup d'erreurs. Frère, donc, quelqu'un seulement à cause de la peur de souffrir, il se lance dans une activité frauduleuse. Il commence à escroquer les gens. Il commence à voler les gens. Pour bien vivre. Juu ya kuishi mzuri. Vous voyez les conséquences de la peur. Munaona matokeo ya oga. Parce que celui qui vole ne se croit pas. Il n'a pas confiance en lui-même. Juu ule kunaiba ashijitumainie mwenyewe. Il se sent incapable. Yeah, impuissant. Anejiona washipo uwezo. De créer une activité. Ya kuanzisha kazi. Stabiliser sa vie. Ile inaweza kushikamisha yako maisha yake. Et Satan vient le tromper. Na shetani anakuwa kumdanganya. Tu dis que tu peux être heureux par le vol. Semonezi kuya kuwaheri mkuiva. Par les choses mal acquises. Kupitia bintu vile vya kupata manjia mubaya. Et l'homme ou la femme ruine complètement sa vie. Na mwanaume au mwanamke anaharibisha maisha yake yote. Il avait seulement la peur de souffrir. Juu ye alishikia oga ya kuteswa. La peur n'est pas une bonne chose. Oga iko kitu kizuri. Oui bien aimé frère. Hiyo ndugu na dada. La peur de perdre la confiance des gens. Oga ya kuongopa kupoteza matumaini ya watu. Peut vous entraîner à un comportement hypocrite. Inaweza kukusukuma unaanza sasa kutenda mbunafiki. La peur de perdre la confiance des gens. Oga ya kuongopa kupoteza matumaini ya watu. La peur de perdre l'estime qu'ont les gens. Ya kuongopa kupoteza heshima ya bantu kwako. Vous voyez. Unaona. La peur. Oga. De perdre la considération. Ya kuongopa kupoteza heshima. Auprès des gens. Mbele ya bantu. Peut vous entraîner. Inaweza kukuongoza. À un comportement hypocrite. Anza kutenda saa mnafiki. Cela peut vous entraîner à beaucoup d'erreurs, à beaucoup de folies. Il est à kuongoza makosa mingi na mbazimu. C'est vrai, frère. Ya kweri nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweri dada. Et quand vous commencez un comportement hypocrite, na wakati unakuya na maisha ya unafiki, vous commencerez à agir comme un politicien. Utaanza kutenda saba kufanya siasa. Tu dis une chose, unasema kitu, mais dans ton cœur tu crois une autre. Lakini mumoyo wako naamini kingine. La fin de cela, na mwisho ya ile, de cette vie que tu commences là, ya ile maisha unanza, va complètement t'éloigner de Dieu. Itakuendesha kabisa kabisa que tu gagnes là, ile unaanza kuongoza, c'est ce qui t'arrivera. Jo itakufikia. Les gens finiront pas découvrir que tu n'es pas un homme, une femme sincère. Ya usema una mwanaume au mwanamke s'éloigner de toi. Wa moyo wa haki na batenda mbali na wewe. Ile unaogopa, c'est ce qui va t'arriver. Jo ile itakufikia. Disent les écritures dans Job. Job ile maandiko nasema mu Job. Vivez correctement. Mwishi munamna ya sawa. Vivez honnêtement. Ishi munamna ya waki. Sans craindre quoi que ce soit. Bila kuogopa izuru nini. Vous voyez? Naona. Si tu es sincère, kama uko na moyo wa haki, envers ton frère, mbele ya ndugu yako, envers ta sœur, mbele ya dada yako, envers ton diacre, mbele ya shemasi wako, envers ton pasteur, mbele ya pastori wako, envers ton ancien, mbele ya mzee wako, envers ton église, mbele ya kanisa yako, envers ta femme, mbele ya mke wako, envers ton mari, mbele ya bwana yako, envers ton père, mbele ya baba yako, envers tes enfants, mbele ya batoto yako. Vous n'avez aucune crainte. Hauna na woga hata moya. La vie que vous menez, maisha uko na aura comme fruit sana, la confiance matunda, de tous les gens qui vous entourent. Matumaini ya bantu venye kuzunguka. Vous voyez? Munaona. Mais quand vous commencez à craindre, sasa, kama unaanza kuongopa, de perdre la confiance des gens, upoteza matumaini ya bantu kwako, la considération qu'on a auprès des gens, kupoteza heshima yako kubantu, l'estime que vous avez auprès des gens, ile kavumo kunayo kubantu, cela va vous entraîner à un comportement hypocrite. Ile itakuongoza ukuye na maisha ya unafiki. Le comportement hypocrite s'éloignera de Dieu. Na maisha ya unafiki itakuonyesha mbali na Mungu. Vous allez certainement perdre votre témoignage. Na hakika utapoteza ushuhuda. Vous n'avancerez plus dans les choses de Dieu. Na utatembelea tena mumanjia ya Mungu. Et qu'est-ce qu'il a amené cela? Ni nini naleta ile? La peur. Ni oga. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. La peur. Oga. Même la peur de la mort. Ata oga ya lufu. Conduit beaucoup de gens. Inaongoza bantu mingi. À la servitude de Satan. Bengie mubutumwa ya shetani. Oui bien aimé frère. Ndiyo nduku. Oui bien aimé sœur. Ndiyo nduku dada. Dans Hébreu au chapitre 12 dans son verset 15. Mwa Hebrania sura ya 12:12. Tunaweza kuisoma ina nikuya. Hébreu chapitre 12. Mwa Hebrania sura ya 12. La crainte de la mort. Oga ya lufu. Peut entraîner quelqu'un à demeurer esclave de Satan toute sa vie. C'est ce que vous voyez dans les gens. Hébreu chapitre 2, dans son verset 15. Ainsi il délivre tous ceux qui Ivi, ekuna wakomboa bote bale. C'est-à-dire Jésus-Christ. Nikusema Yesu Kristo. Ainsi il délivre tous ceux qui. Nikusema ekuna komboa wale wote. Par crainte de la mort. Kupitia oga ya lufu. Et toute leur vie retenue dans la servitude. Maisha yabo yote ilikuwa yenye kushikwa mubutumwa. La peur. Oga. De la mort ya lufu, nous retiendra dans l'esclavagisme du péché ya nzambi, et du diable na ya shetani. C'est vrai. Bia kweri. C'est pourquoi joko amani, quand un homme est sauvé, wakati mtu anaokolewa, Dieu enlève en lui la peur. Mungu yuko naondosha ndani yake woga. Parce que c'est la peur qui entraîne beaucoup de gens au mal. Ju ni woga ndio yuko naongoza bantu ba mingi mubibaya. Regardez dans la Bible. Mwangalie mu Biblia. Lorsque vous prenez Genèse au chapitre 18. Wakati munabeba mwanzo sura yake ya 18. Dans son verset 15. Mumustari yake ya 15. Sarah, La femme d'Abraham. Sarah, mke wa Ibrahim. Menti devant Dieu. Akalanda mbele ya Mungu. Par peur de son mari. Juu ya woga ya bwana yake. Ne connaissant pas. Celui qui était devant elle. Ye ashikufahamu mwenye ule alikuja mbele yake. Elle frôla la mort. Ye aka elle frôla la mort. Akaanza akapita pembeni ya lufu. Akapita pembeni ya lufu. Ka Elohim dit. Wakati Elohim anaambia Ibrahim. Quand il dit Abraham. Anaambia Ibrahim. Avant quand je te parle ici. Ase hapa mina kusungumzia Ibrahim. De mon fils. Juu ya mambo ya mwana wako. Ta femme Sarah. Ache bibi yako Sarah. Ari. Anacheka. Sarah se lève et dit. Sarah anashimama anasema. Non, moi je ne parie. Ase hapa na mimi langu mimi sikucheki. Parce qu'elle craignait la réprimande. Dieu ariongopa d'Abraham. Ibrahim wa mukemeni. Sarah ne connaissait pas. Sarah shikujue. Celui qui était devant son mari. Ya kusema ule alikuwa mbele ya bwana yake. Dieu tout puissant. Alikuwa ni Mungu wa uwezo yote. Elle mentit dans la présence du Dieu tout puissant. Akalanda mbele ya Mungu wa uwezo yote. Elle fit mentir. Na akamulandikisha. Akasema Mungu analanda. Ni kosa kani mkubwa. De traiter Dieu menteur. Ya kusema Mungu analanda. Elle devait mourir. Alipasha kufa. Mais à cause d'Abraham. Lakini njuu ya Ibrahim. Parce que Dieu. Njuu Mungu. Avait déjà promis Abraham. Alikuyasha kumwaidia Ibrahim. Par Sarah. Mwana kupitia Sara. Sara était une partie d'Abraham. Sara alikuya ni kipande ya Ibrahim. À cause d'Abraham. Njuu ya Ibrahim. Dieu conserva la vie à Sarah. Mungu akamchungia uzima Sara. Et Dieu se contente seulement de dire. Na Mungu akasema. Dieu se contente seulement de confirmer. Mungu akahakikisha tu lwake. Que tu arrives. Ya kusema ulicheka. Moi je ne mens pas. Mimi silandake. Et ce qu'il avait dit là. Na ile alisemaka. Ce qu'Elohim avait dit. Ile Elohim alisemaka. Seulement Sara ye. Kenye la réprimande. Alianza tu kuongoza. De son mari. Akemewe na bwana yake. Unaona. La peur d'être réprimandé. Woga ya kukemewa. Son mari Abraham. Na bwana yake Ibrahim. Avait fait mentir à Dieu. Et alipa. Avait fait traiter de Dieu menteur. Ilimufanya aseme Mungu wa bongo. Na alipitia pembeni ya lufu. Mais elle reçut grâce. Lakini alipokea neema. À cause d'Abraham. Juu ya Ibrahim. L'élu de Dieu. Muteule wa Mungu. Le porteur de la promesse. Ule alikuwa na malako. Sinon Sarah était déjà mort. Kama hapana Sarah alikuwa mwenye kufa. Il y a aussi des frères comme ça. Kuba nduku ba vile. Il y a des sœurs aussi. Kuba dada na bo. Parfait. Juu ya oga tu. Parfait. Juu ya oga tu. Il mente. Bekuna landa pastori. Bekuna landa bashimaji. Bena sabwa. Il mente au Saint-Esprit. Ya kusema bekuna danganya ni mbele ya Roho Mtakatifu. J'avais peur. Mirishkiaboka. Que le pasteur me réprimerait. Mirishkiaboka se pasteur atanifoke. Comment accepter une réprimande? Namna kani kuitikia. Pour que tu sois redressé. Iku muzuri. Au lieu de mentir. Iku muzuri kuitikia bakufokeye njuyu uende mjia kunyoloka pale ya kulanda. Il faut accepter une réprimande. Unapasha kuitikia kukemewa. Et dire la vérité. Na kusema ukweli. Au lieu de mentir. Bali ya we kulanda. Parce que le mensonge. Juu bongo. Peut entraîner à la mort. Itezu kupeleka kulufu. Le mensonge peut entraîner au malheur. Bongo utakupeleka kuole. Et quand le malheur fondra sur vous. Na wakati ole itakufikia. Mais les gens diront. Bantu batasema. C'est une femme ou un homme insensé. C'est ni. C'est pas seulement qui disent la vérité. Ni bumbafu alipasha. Alipasha tu yatilma. Kusema bya kweli tulipasha murumia ndio nini alilala. Anania Safira, Anania Safira sont venus. Remarquez quand Anania et Saphira sont venus. Mwangalie wakati Anania na Saphira walikuja. Bonjo bari ujisha mashamba yao. Petro anauliza. C'est l'argent que vous donnez. Eti makuta mnaleta. C'est l'argent que vous avez eu. Jo makuta mlipata pale mliujisha mashamba. C'est leur argent. Ni makuta yavo. Bali pasha tukusema. Oui, l'homme de Dieu. Mutumishi wa Mungu. Ce n'est pas tout l'argent que nous avons amené. Aina makuta yote tunaleta. Tunaleta ako sehemu. Nous avons conservé une autre à la maison. Tunachunga ako sehemu nyingine kwa nyumba. C'est tout. Inaishia pa. Anania na Safira. Anania na Safira. Ne pouvait pas mourir. Aba kupasha kufa. Vous voyez? Naona. Est-ce que l'église est avec moi? Et kanisa iko nafuata. Ils ont agi en insensé. Baritenda mubujinga. Et quand sa femme vient, na wakati bibi yake anakuja, elle aussi, yena ye, elle pêche, anatenda nsamu, analanda. Ne le faisons pas. Tushifanye ile. Un chrétien est véridique. Mukristo anasemaka vya kweli. Dites la vérité même si elle est contre vous. Sema ukweli hata hiyo inakukombanisha. Dites la vérité. Sema ukweli. Vous serez affranchi de toutes sortes de mensonges. Utakuya uhuru mbele ya uongo wote. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Quand vous prenez Genèse au chapitre 26. Wakati unabeba Mwanzo sura yake ya 26. Là vous trouverez aussi le père de la foi, Amanti. Hapa utaona kusema baba wa imani na yeye Irlanda. Parce qu'il avait peur. Dieu a risqué akaoga de laisser sa jolie femme. Ya kuacha bibi yake mrembo. Oui. Il avait peur. A risqué akaoga d'être tué. Ya kuwawa. Et d'abandonner sa femme. Na kuacha bibi yake. Vraiment. Et c'est même la même erreur. Njonko sa moya moya. Que son fils a commis. Mwana wake na yeye alitenda. C'est vrai frère. Bya kweli nduku. Quand Abraham. Wakati Ibrahim. Est allé en Égypte. Arienda mu Misri. Avec la beauté de sa femme. Na urembo ya mke wake. Croyant que les gens du milieu étaient des gens sans loi, Mukwazia kusema wale bantu ba muile fashi étaient des gens sans loi, barikuya bila sheria, ils ne respectaient pas les femmes d'autrui. Aba kwanza kuheshimia babibi babenyewe. Et il mentit. Na kalanda. Dans Genèse au chapitre 12. Mwanzo sura yake ya 12. Dans le verset 11, mumustari yake ya 11. Allez jusque dans le verset 19. Mwende paka mu 19. Et prenez l'histoire d'Isaac aussi. Mubebe na hadithi ya Isaac na yo. Son fils a emboîté le même pas. Mwana wake na yeye alitembelea paka mu ile njia. Genèse au chapitre 26. Mwanzo sura yake ya 26. Dans le verset 7. Mumustari yake ya 7. Vous pouvez aller même jusqu'au verset. N'est-ce qu'enda paka? Verset 12. Mustari yake ya 12. Pour aller un peu plus vite. Je vais kwenda mbio mbio. Je prends Isaac. Ninabeba Isaka. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme. Wakati batu ba mwile fashi bariuliza mke wake. Il posait des questions sur sa femme. Baranza kumuuliza njui yule ya mke wake. Il disait, c'est ma sœur. Arianza kusema ni mudogo wa mwanamke. Car il craignait. Juu arianza kongopa. En disant ma femme. Akusema bibi yangu. Que les gens du lieu. Juu bantu ba mwile fashi. Les tueraient. Parce que Rebecca était belle de figure. Azenju bale bantu ba baripasha kumuwa njuu Rebecca alikuya murembo kuhuso. Et Abraham. Na Abraham. Et Isaac. Na Isaka. Par peur de mourir. Waoga tu ya kufa. Et de laisser leur jolie femme. Ya kuacha babibi yao barembo. Omanti. Barilanda. Vous voyez. Naona. Regardez le roi Saul. Mwangariye mufalme Saulo. Dans 1 Samuel au chapitre 18. Musamuel wa kwanza sura yake ya 18. 1 Samuel chapitre 18. Samuel wa kwanza sura yake ya 18. Regardez le comportement. Mwangalie namna ya kutenda. De Saul. Ya Saulo. Même qui avait un problème avec Dieu. Yenjo alikuyaka na mambo na Mungu. Quand vous prenez dans 1 Samuel au chapitre 15. Wakati mnabeba Samuel wa kwanza sura ya 15. Dans son verset 24. Musara 24. Commençons par cette écriture. Kwanzie mwile andiko. C'est lui-même qui avait désobéi à l'ordre de Dieu. Arivunja agizo ya Mungu. Pourquoi? Njoo ya nini? C'est parce qu'il craignait le peuple. Njoo alianza kuogopa taifa. La peur du peuple. Na oga ya watu. L'entraîna à la désobéissance. Ikamuongoza vunje ile agizo. Cette désobéissance. Na kule kutokuti. Amené Dieu. Kulisukuma Mungu. De le chasser de la royauté. Amutoshe mufalme. C'est sa propre faute. Ni kosa yake mwenyewe. Voyez. 1 Samuel au chapitre 15. Samuel wa kwanza sura yake ya 15. Dans son verset 24. Mustara 24. Alors Saul dit à Samuel. Sasa Saulo akamwambia Samuel. J'ai péché. Militenda zambi. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Kwani nilivunja agizo ya wamilele. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Na nishi kutii kwa maneno yako. Nilianza kuongopa watu. J'ai écouté sa voix. Na mimi sikia sauti. La crainte du peuple woga ya watu avait entraîné le roi Saul iliongoza mfalme Saul désobéir à l'ordre de Dieu mukuvunja agizo ya Mungu. Maintenant Dieu s'est choisi David. Sasa Mungu anajichakuria Daudi. David n'avait jamais eu la pensée de faire un coup d'état. Daudi yashuku yake na mawazo ya kunyanganya ufalme wa Saul. Kwa mfalme Saul. C'est Dieu qui l'avait oint. Ni Mungu ndiye alimpaka mafuta. Si David n'avait pas réclamé. Daudi yashukuombaje. Mention royale sur lui. Ile upako ya kifalme juu yake. Le problème entre Dieu et Saul, c'est son problème. Mambo ya Saul na Mungu inamwangalia yeye mwenyewe. Il est resté servant Saul comme un homme de Dieu. Il servait David lui. Daoud y a ranza kutumikia. Mufalme Saulo. Le roi qui avait déjà abandonné Dieu. Uyu mufalme alikwasha kuacha Mungu. Il avait déjà péché transgressé. Ule alikwasha kutenda dhambi. Mungu alikwasha mwacha. À cause de l'onction qui était sur lui. Juya upako ilikuwa juu yake. Daoud continuait à le respecter. Daoud aliendelea kumheshimu. Samu pakaliwa wa Bwana. Jamais il de mauvaise pensée. Ashuku yake na mawazo mbaya. Yulu ya mufalme Saulo. Il avait jamais il a pensé. Ashukwaye na mawazo mubaya ya kumunyanganya ufalme. Mesoli mimi kiawe perdi sa royote. Saulo mwenyewe alipoteshaka ufalme wake. Par peur. Kupitia tu oga. De David. Ya Daudi. Parce que tout ce que David faisait prospérer. Ile Daudi aranza kufanya yote aranza kuendele. Ya faisait prospérer. Mungu aranza. Tout ce que David faisait. Kuendelesha mbele ile Daudi aranza kufanya. Na wakati Saulo aliona ile la jalousie vient dans son cœur. Wivu ukalamuka ndani yake. Le mauvais esprit le saisit. Na maro chafu ikamshika. Hey, mule mente il avait maintenant peur. Arishikia sasa boka. De David. Ya Daudi. Vous voyez? Naon. Il craignait maintenant David. Alianza kuogopa Daudi sasa. Et pourtant David n'avait pas de mauvaises pensées. Il est ça Daudi yashukwa na mawazo mubaya. L'église est avec moi. Est-ce que nous sommes avec vous? Vous comprenez? Est-ce que vous naelewa? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce que nous avons apprenez quelque chose? Mwi kuna semewa. Voyez mes frères. Unaona ndugu mupendo. Et quand David vient? Na wakati Daudi anakuya. Victorieux d'une bataille. Anatokea anakuya na ushindi mwenye kutokea mvita. Mule Saulo yeye mwenyewe alimtuma. Aina Daudi. Jo alienda kwa kampeni. Kufanya kampeni. Kuita bana muke. Na mata na mangoma na maparapanda njoo kumuimbia. Aishukuya aikukuyake yeye. Aikukuyake. Il revient. Anarudia. Les femmes arrivent. pour complimenter David. Il avait donné à Israël la victoire. Il chantait. Et David a frappé mille. Et David a tué 10 000. Lakini Daudi aliua bantu 10 000. On parle des paroles de David qu'il avait mise dans la bouche de ses femmes. Aina maneno ya Daudi ile aliweka mubino ya banamuke. No. Hapana. C'était une inspiration spontanée. Ilikuwa tu niongozi ilifika nayo. Saul a frappé 1000. Saul aliua 1000. Daudi 1000. Ile kazalisha. C'est l'engendre de la jalousie. Ile kalamusha buibu. De la crainte. Na oga. Dans Salomon et dans Saul. Dani ya Saulo. Et qu'est-ce que cette peur? Na ile oga. Engendre en lui. Ilizala nini? Le meurtre. Uwaji. Unaona? Saul voulait maintenant. Saul alipenda sasa. Kuwa Daudi. La crainte, la peur. Oga. Qui était né. Il est Saul. Il est ndani ya Saulo. Parce qu'il craignait David. Tu alianza kuongopa Daudi. A engendré en lui. Il izalisha ndani yake. Et le meurtre. Chuki na uwaji. Naona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Naona dada mpendwa. Saul, mu mstari wa 11, Saul leva sa lance. Saul akanyanyua mshale. Je frapperai David contre la paroi. Je frapperai David contre la paroi. Mita mupika Daudi. Mais David se détourna de lui deux fois. Lakini Daudi akamusola. Saul craignait la présence de David. Saul aranza kuongopa Daudi. Parce que l'Éternel était avec David. Du, wa milele alikuwa na Daudi. Et qui s'était retiré de lui. Na alikuwa acha kumwacha. Vous voyez. Unaona. Dans le verset 15. Mstari wa 15. Saul voyant qu'il réussissait. Saul mkona kusema aranza kuweza. Toujours. Aranza endelea. Avait peur de lui. Aranza kumshikia oga. Et pourtant David n'avait jamais une mauvaise pensée. Ile sa Daudi ashukwa ke na mawazo mubaya. Voyez bien mes frères. Naona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Naona dada mpendwa. Il ne faut jamais haïr quelqu'un. Hapana kuchukia mtu. Lorsqu'il prospère dans ses voies. Wakati yeye kuna sitawi mumanjia yake. Si tu vois quelqu'un qui est béni. Kama unaona mtu anabarikiwa. Il ne faut pas l'en vouloir. Hapana kumchukia. Si tu vois que quelqu'un a Dieu. Kama unaona kusema mtu yuko na Mungu. Il ne faut pas l'en vouloir. Hapana kumchukia. Oui bien mes frères. Ndio ndugu mpendwa. Le péché. Dhambi. De Saul. Ya Saulo. Ah, pénètre en lui la peur. Ilizalisha ndani yake oga. Contre David. Juu ya Daudi. Et cela a pénètre en lui. Na ilizalisha ndani yake. Jalousie. Wivu. Chuki et le meurtre. Na uwaji. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana imibariki. Comme nous respectons le temps. Sasa tunaheshimia wakati. Nous commencerons par ici dimanche. Mushiku ya yenga tutaanzia hapa. La peur n'est pas une bonne chose. Oga, aina kitu kizuri. L'église est avec moi. Eti kanisa iko nafuata. La peur n'est pas une bonne chose. Oh, gaina kitu kizuri. Soyons seulement sincères dans ce que nous faisons. Tukuye tu na moyo wa haki muile tu kunafanya. Si nous sommes corrects nous-mêmes. Kama shibe yetu kuna moyo wa kunyoloka. Nous croyons que ce que nous faisons est la volonté de Dieu. Tunaamini kusema ile tu kunafanya ni mapenzi ya Mungu. N'ayez peur de rien. Pale tushongope kitu. Levons-nous pour la prière. Tutashimama njuu ya maombi. Nous continuerons. Tutaendelea. Nous devons prier. Tunapasha kuomba. Que Dieu nous ôte la peur. Mungu etutoshe oga. Cette peur qui vient. Ile oga ikunatokea. De fausse méditation. Umama fikiri ya bongo. De ces réflexions infondées. Ile mafikiri ya shipo musingi. Sur des choses imaginaires. Tu vina pita paka mawazo. La peur de perdre le mariage. Oga ya kupotesha ndoa. La peur de perdre sa santé. Oga ya kupotesha afya. La peur de la mort. Oga ya lufu. La peur de la souffrance. Oga ya mateso. La peur de tomber en faillite. Oga ya kuchomba. La peur. Oga. Vous voyez. Naona. De souffrir. Ya kuteswa. Disons au Seigneur. Tumwambie Bwana. Ote cette peur en nous. Asema, ondosha hii woga ndani yetu. La peur des gens. Woga ya bantu. Faut pas craindre les gens. Hapana kuogopa bantu. Elle n'est pas une bonne chose. Haina kitu kizuri woga. Que Dieu nous aide. Mungu etusaidie. Prions. Tutaomba. Seigneur, merci. Tu es le Dieu de ta parole.